Gérard, l'animateur, le plus trash de la bande FM. Et celui qui a un portable, arrête-en. Gérard. Et toi, je t'ai dit tout à l'heure de me poser des questions. Bon. Gérard, les débats de Gérard. Fun Radio. Ouais, les débats de Gérard sans Gérard. Gérard. Gérard. Allez. Oh là là, c'est déjà le bordel. Mais non, je te demande de combler. C'est pas de sa faute, il me faisait une turlute. Ouais, c'est bon. C'est ce que c'est une turlute, au moins ? Oh oui, c'est. Eh oui, ben voilà, excusez-moi du retard. Donc, on venait de s'écouter quoi, Pedro ? Parce que moi, j'avais pas la fiche. Hein, on va te dire après ce qu'on a écouté. On va te faire la fiche juste après, tu vas le dire. Donc là, alors... Un débat qui porte sur quoi ce soir, Gérard ? Donc, les surdoués et sous-doués. Donc, et puis, donc alors, au standard... Vous avez Céline, donc vous pouvez toujours, vous pouvez appeler au 0803 08 5000. Et donc il y a, merci. C'est 0825 pour appeler, hein, pas 0803. Ouais, 0825 08 5000. Et donc il y a Céline qui est au standard avec Hervé. Bonsoir Gérard. Donc, bonsoir. Salut. À tous. Sur le chat funradio.fr, donc vous avez Esteban. Bonsoir Gérard. Et à l'aria, donc vous avez Pedro. Bonsoir Gérard. Bonsoir. Ça va, cochon ? Oh, je plaisante. Alors, on va accueillir... Oula, j'ai un retour, mais... Baisse-le. Non, mais ça doit venir de... Bah, mais branche-le à côté, Gérard, c'est pas très visuel en son. Voilà, voilà, c'est bon ? Voilà, c'est mieux. Voilà, c'est nickel. Bon, c'est qui alors ? C'est à peu près pareil, mais bon, on va travailler comme ça. Donc, on accueille pour ça Victor Huro. Oui, bonsoir, Victor Huro, écrivain europhile, 119.9. J'appelle de Douai, bonsoir. Ah ouais, mais alors ça, donnez les fréquences parce que... 119.9 FM. 119.9, hein. Ouais. Ok. Pierre Curie de Rungis. Ouais, non, c'est Pierre Curie Lingus. Et j'appelle de Douai aussi. Pareil, 119.9. Bon, ben, on n'a rien qu'à... On va rien qu'avoir des gens du Nord. Ouais, c'est un débat sur Douai, donc... Et Vigo Stel, ouais, de Douai, bah, 119.9. GG, bah moi aussi j'appelle de Douai, hein, tiens, c'est un hasard. 119.9. Ouais, et puis Biquette, je pense que c'est 172.9, c'est ça ? Oui, j'appelle d'Arras, bonsoir. 172.9. Biquette, 28 ans, d'Arras, bonsoir. Bonsoir Biquette. Une Arrasienne. Oui, une Arrasienne rageuse. Comment là ? Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Gérard. Bonsoir tout le monde. Ça va bien ? Oui. Non, bah tranquille. Tranquille. Ça bon, va, allez. Oh, c'est bon, ça y est. On commence pas ? Bonsoir Gérard. Attends, bah, ça y est. J'ai dit bon... Oh, ça y est, on a dit bonsoir à bonsoir, tout le monde. Pedro. Est-ce que bonsoir Pedro. Bonsoir Victor. Bonsoir tout le monde. On va y aller, hein, Gérard. C'est Gérard. Alors, d'après vous... Salut Céline. Bonsoir. Bon, s'il vous plaît. Les gens... Non, attendez. L'équipe. Vous leur dites une chose, vous leur dites une bonne poids pour toutes. Céline, Hervé, et puis Esteban, et puis... Oui, Gérard, pas de problème. Bonsoir Céline, bonsoir Hervé, bonsoir Esteban. Bonsoir Pedro. Les auditeurs te parlent, merci de les écouter. Oui, mais on parle derrière, qu'est-ce qu'il y a ? Bonsoir Pedro, bonsoir tout le monde. Voilà, je crois qu'on va attaquer. Ça y est. Bonsoir Hervé. Bon, non mais répondez-leur, parce que sinon on va entendre que ça toute la soirée. Salut, Hervé. Esteban. Bonsoir. Répondez-leur. Oui, répondez-leur. Bonsoir. Bon, ça y est. Bonsoir à tous. Bonsoir. Ça y est, c'est terminé. Bonsoir mon cœur. Bonsoir Gérard. Allez, c'est parti. C'est qui part ? On est parti. Alors d'après vous, peut-on guérir une personne surdouée ou sous-douée ? Oh là là là là. Ah bah oui, ça hein. Ça commence bien, ouais, mais c'est un show. Ah non, mais... C'est du bon débat. Bah, de toute manière, on va... Je vais vous dire une chose, que là, comme je sais très bien que ça va sûrement se terminer en décatombe... Ah non, je pense pas. En décatombe, non, c'est pas hein. Ouais, j'ai pas envie. Alors donc, on verra petit à petit comment que ça se passe. Alors, pour Victor... Victor Huro, bah écoute... Moi, je pense que c'est quelque chose d'inné, hein, quand tu l'as, que ça soit dans un sens ou dans l'autre. D'inné ? Ouais, d'inné, c'est quelque chose d'inné. C'est-à-dire que tu sois sûr ou que tu sois sous, a priori, tu peux pas t'en débarrasser. Hein. Tout à fait. Mm-hmm. Ah, t'es collé avec pour la vie entière. Ouais, mais je pense pas, moi. Ah bah si, attends, tu connais, toi, des manières de soigner un petit peu ce genre d'affection ou pas, toi tu... Bah, de manière, si on fait un débat là-dessus, c'est qu'on a eu un auditeur une fois dans l'émission de Max. Ouais. Un surdoué ou un sous-doué? Un sous-doué, hein. Un sous-doué, ah bah il y en a plus souvent qu'une fois. Là, Ouais, mais en fin de compte, on n'aurait pas dû faire sous-doué, c'est plutôt les sous-doués, hein. Ah mais non, mais les deux sont bien, attention, ouais, hein, oui. Moi, je pense aussi. Hein. Non, mais même, je pense qu'on va faire, on va pas mélanger, je vais simplement mettre sous-doué. On peut faire un peu des deux, ouais, un peu des deux, c'est problème. Un peu plus mmh. Déjà, donc... Faut pas mélanger les sous-doués, ouais, sinon c'est pire. Ouais, mais ouais. Faut pas mélanger tentacules et encultasseurs, c'est toi, ça tu, attends, tu te sens plus proche des sûrs ou des sous-doués, toi? C'est une bonne question, ça, hein. Moi, plutôt des surdoués. Plutôt des surdoués, ouais. D'accord, donc c'est vrai, ça part bien, là. Mmh. Sur le net, il y a quelqu'un qui dit apparemment ce soir, Gérard est complètement sous-doué. C'est pas faux. Ah bon, bah d'accord. Donc, ça... Comment? Ah, je disais que t'étais un peu plus sous, quand même. Ah, que doué. De temps en temps, ouais. Doué, quand même. Ah, parce que j'avais compris autre chose. Ah non, tout sûr. Pierre Curie. Bah moi je dirais que pour guérir déjà les surdoués, je pense qu'ils n'ont pas besoin. Je pense qu'ils ont déjà une intelligence assez suffisante. Mm-hmm. Par contre, les sous-doués, c'est vrai qu'il existe certains médicaments pour les guérir. Ouais, mais quoi comme Bah des antibiotiques, tu sais, du Vaporubs. Attends. On va laisser parler tout le monde. Oui. Et puis on va essayer de voir à ce que tu veux en venir. Parce que je vois pas du tout. Il y a des traitements pour ces gens-là. Ouais, moi je vois. Moi, Vigo. Bah, écoute, moi je pense comme l'auditeur, quoi. Déjà c'est pas sale, ça se soigne très bien. Un petit suppositoire dans les fesses et hop, t'es guéri, quoi. Voilà. Et par contre, s'il y a quelqu'un qui avait un portable. Qu'essaye de se mettre comme il faut, parce que à un moment donné j'ai un retour de j'ai un Larsen mais qui est pas bon, hein. Tes oreilles qui sifflent, non? Non, mais j'ai un Larsen là, c'est pas tellement bon, hein. T'as des acouphènes? Non, mais j'ai un Larsen, si je vous dis que si, parce que je sais que doit y avoir quelqu'un qui est avec un portable. Ah non. Ah moi j'ai un fixant. Céline. J'ai de la caillasse. Oui, Gérard. Ah bah tiens, on en parlait. Gérard, c'est ta montre. Non. À chaque fois que tu rapproches ta montre, ça fait de la scène. Attends, regarde. Non, il y a... C'est ton pivot. C'est ton pivot, en fait. Non, il y a un portable quelque part, là. Je veux pas entendre ça. Attends, c'est quoi comme... C'est sur fixe ou sur... Bon. Donc, Céline, apparemment, c'est rien que des fixes. Ouais, c'est que des fixes, je t'assure. Ok. Donc, Vigo, j'ai une question de tomate. Je peux me permettre. Mm-hmm. Est-ce que les surdoués pratiquent la surdomisation et les sous-doués pratiquent la sous-domisation? Ouh, c'est bon, ça. Attends, là, si on commence déjà à parler de cul, attends, moins le quart, je crois qu'il commence à faire fort. Oh, lâche-toi, libère-toi. La sodomie. La planus. Ouais, bah voilà, merci. Ah, c'est vrai qu'on casse le cul un peu quand même. Bah ouais, mais attends, on va commencer. Hey, c'est pas un débat sur le cul. Hein, pour un sang, d'accord. Mais ils baissent aussi, ces gens-là. C'est vrai, ils ont une sexualité aussi. Ça dépend, parce qu'à mon avis, l'auditeur qu'on a eu, lui, apparemment, il a des problèmes. Attends, c'est des gens comme toi, GG, hein. Non, merci pour celui qui s'amuse à appuyer sur les touches de téléphone. Mais c'est pas cool. Que j'ai un exemple, moi, tu sais, Victor Hugo, c'était un surdoué. Victor Hugo. Ouais, voilà, Victor Hugo, c'est un surdoué, mais... et puis il donnait dans de la boniche, dans de la paysanne, il y allait, hein. Eh, commencez pas, parce que il me semble que j'ai reconnu certaines voix, d'accord? Alors commencez pas à vouloir jouer les pranjos, d'accord? T'es déjà venu à Douai? Ouais, non, mais commence pas à jouer les pranjos, Tony. Mais attends, GG, est-ce que... Commence pas à jouer les pranjos, Tony. Non, là, c'est Victor, hein. Non, mais de toute manière, il y en a un des trois. Bah, de toute manière, vous êtes tous de Douai. Mm-hmm. Hein? Attends, c'est un hasard. De toute manière, j'en connais un. Qui a l'habitude de passer régulièrement dans mes débats. Attends, nous, on l'a eu en tête. D'accord. Ça fait pas tenu, hein. Non, mais même. On n'est pas au courant. Mais t'es pas au courant, toi. Fais gaffe, parce que toi, t'es sur la ligne 3. Et apparemment, c'est toi qui t'amuses à être Tony, d'accord? Vous confondez, moi, c'est Pierre. Ouais, c'est ça. Alors, commence pas à jouer les pranjos, d'accord? Parce que sinon, je vais faire comme la semaine dernière. Et toi, GG? Écoutez-moi, je vais faire comme la semaine dernière. Ah non, revenons dans le débat. Je vais virer tout cela. Et je vais garder que le maximum. Ah, mais ça bien, là, il était hors de question que vous passiez dans les débats. Ouais. D'accord? Clair, net et précis. D'accord? On va revenir sur Victor Hugo, ouais, tout à fait. Non, mais pour l'instant, on va demander. Est-ce que t'as lu Notre-Dame de Paris, toi, GG, ou Les Misérables, ou un truc comme ça? Toi, c'est plutôt Les Misérables, quand même, non? Bon alors Bigot, au revoir. Secoulez, je te dis au revoir. Je te dis au revoir. C'est une question là sur les Misérables. Je te dis au revoir. C'est une question à deux fois. Je te dis. C'est pour un voilà. Cabaret, c'est pas les comédies musicales. Non parce que là apparemment. Oui, Gérard, c'est pas Vigo qu'il faut virer, c'est Pierre. Et puis quoi encore? Parce que Vigo, il a rien dit. Ah donc c'est Pierre qui s'est fait passer pour Tony? Ah bah alors tu... Ah non. Donc dans ce cas-là, tu laisses... Je comprends plus rien, là, je m'appelle comment, là? Non, tu laisses Vigo, Céline, et tu vires Pierre. Il y avait injustice, là, quand même, hein. On vire Pierre. C'est tout. Bah, on vire Pierre. Voilà. Oh. On va le récupérer après, hein, vous inquiétez pas. Non, au standard, je disais. Non, mais il n'y a pas qu'on les récupère sous d'autres noms. Ah, il y a de la dénonce aujourd'hui, d'accord. Bon, Gérard... Parce que là, j'ai les 24 lignes qui sonnent, et moi, je veux qu'on prenne des gens. Gérard, on va peut-être enchaîner sur le débat, maintenant. Ouais, donc, alors, on va y retourner, qui c'est qui restait et qui n'a pas répondu? Moi. Biquette. Oui, Gérard, bah écoute, j'étais au standard, j'ai pas écouté la question, tu peux répéter, s'il te plaît? Alors, d'après vous... Oui. Peut-on guérir une personne surdouée ou sous-douée? Oui. Bah écoute, effectivement, donc être sous-doué à notre époque, c'est une maladie quand même pas très répandue, mais quand même... Allô? Oui. Voilà, donc je disais que c'était une maladie qui était pas très répandue. Mais effectivement, on peut tout à fait guérir ce genre de maladie à coup d'antidépresseurs et de tranquillisants, parce qu'effectivement, toi, à long terme, ça peut entraîner une dépression de type profonde. D'accord. J'ai plombé l'ambiance, excusez-moi. Je pense qu'à mon avis... Quand même, c'est... Non, mais c'est vrai, GG. Est-ce que t'as entendu parler du nouveau médicament, là? C'est des antidépresseurs en suppositoire effervescent. Absolument. Et il paraît que c'est super efficace, en fait. Ça t'expose dans les fesses, il paraît. Ouais, il paraît que ça te met un coup de boost, mais un truc de dingue, hein. Du Locavital. C'est cela. C'est des pays de l'Est, en fait. Et franchement, ça booste la nuque. Ça cartonne, hein. Ça booste la nuque, quand même. J'en connais, il est en train de se marrer. Ah mais attends, il est excellent le mec là, hein. Il est bien. Ouais, on va accueillir. Attends, tu peux quand même. Hors de question. Tu rendez-vous là? Super Hostide. Bon, on enchaîne. Oui, bonsoir, c'est Super Autiste. J'appelle de Chico les Trous. Ouais, 112. Voilà, 112. Bonsoir Super. Bonsoir à tous. Bonsoir Autiste. Bon alors, tu réponds à la question? Ah, je n'ai pas suivi la question, j'étais avec Céline, je viens d'appeler là. On est sur les suppos effervescents là. Sur les antibiotiques donc. D'après vous, peut-on guérir une personne sous-douée ou sous-douée? Oui, je pense que la médecine a fait ses preuves dans le domaine des sous-doués pour les guérir, pour faire en sorte que ces gens-là puissent s'épanouir et avoir une vie normale, hein, comme les surdoués. Absolument. D'accord, ouais. Ah bah punaise. Non, mais il a bien répondu. Mais toi, t'as des petits remèdes, toi, GG, des petits remèdes de grand-mère, des trucs de famille pour. Non. Cette tâche, je sais pas. Comment? Oula. Qu'est-ce qu'il a dit? Oula. Là, je crois qu'on va pas être d'accord longtemps, les enfants. On va se calmer, hein. En même temps, si tu m'appelles pour gosse, c'est dur. Alors, attention, je viens au hasard. Victor. Ah, on les met tous dans l'attente. Ah, ok, on peut y retourner. C'est reparti. Ok. Tu me plais, Toi. Tu me plais, Toi. J'y ferai pas de cadeau. Non, mais Gérard, t'as pas répondu à la question de l'autre. C'est une réponse, s'il te plaît. T'as pas des remèdes de famille, là? Non. Non, aucun. Même pas. Non, j'ai aucun remède, et de manière. Bah, il n'est pas concerné par la question, surtout. Il n'est pas sous-doué, mon GG. Hein. D'accord, merci, Biquette, de ta réponse. Mais Gérard, toi, t'es plutôt surdoué ou sous-doué? Les deux. C'est vrai? C'est-à-dire? Place donc. Elle a dit quoi? T'as dit quoi? Intelligente, mitigée. D'accord. Moitié. Vous avez dit ça? Vous êtes un peu vieux coupe. Voilà, oui, vieux coupe. Attends, Hervé, s'il te plaît. Au lieu de me donner ça. Hervé! Non, pas Hervé. Moi, c'est pas Hervé. Ça sert même pas à rien. C'est même pas la peine de poser des questions comme ça, parce que ça, des trucs comme ça, c'est, on T'as un beau cul anonyme. Mais merci, je te l'ai pas dit, je te l'ai pas dit, Gérard. Bon, la question, j'ai dit, est-ce que tu suces? Non. Pour un TikTok. Bon, allez, libère-toi. Hein. Et je sens que tout à l'heure, ça va, vous allez tous faire boum boum et je vais en faire une. Ah, comme par hasard. Comme par hasard. Ouais, comme par hasard. C'est qui, tu garderais qui? Gérard, il veut faire des jardins secrets. Hein. Ouais, non. Mais ça, les jardins secrets, c'est mon problème. Je crois qu'on a quelqu'un là, Gérard. C'est qui? C'est qui, Gérard? Bien sûr. Encore un. Eh non, mais. Vous me le faites exprès au standard ou quoi? Gérard, c'est surdoué, alors il faut bien prendre des gens de Douai. Allô, allô. Moi, j'avais compris que c'était sur la ville. Ah, ben ouais, c'est ça le débat. Désolé, moi, je croyais que c'était surdoué et sous. Département, Gérard, département de surdoué. Alors attendez que j'ai. Il n'a pas travaillé son débat. 72. Attends, Douai, c'est quand même à côté de ce qu'on a déjà. La honte 72. Bah si. 72, c'est Procto. Mais non, le 72. 72, c'est Procto. 73, c'est Procto. Gérard, très très soudoué là. Mais c'est la Sarthe, 72. Mais attendez. Eh, mais laissez-moi finir. Bah vas-y, réponds. La Sarthe, c'est le 72. Non, c'est Procto. La Sarthe, c'est 59. T'es un peu soudoué. Hein. Mais non, Lille, c'est 59. Ah non, Lille, c'est 59. Pas depuis les événements. Salut, non. Ah non, Gérard, non, sans déconner. Mais avec attends, la 50, nouvelle... mais 59, c'est quel département? 59? C'est bien le département de Lille. Non, c'est plus ça, c'est fini ça. C'est fini, ça a changé. Depuis le passage à l'euro. Le passage à l'euro. Le Pas-de-Calais, c'est 62. 62, mais en euros, ça faisait 11, c'est fini tout ça. Mais non, ça fait 26. N'importe quoi. Mais si, c'est depuis le passage à l'euro, là. Réfléchis, on divise par 6,5. Non, attendez. Gérard, Paris. Non, je perds rien. Paris, c'est 26. Gégé, il a eu son bac quand même. Hein. Non, mais Paris, 75, c'est dans le 98. C'est dans le Calvados. Mais non, c'est... Oh là là. Il manque le numéro complémentaire, la balance ton QI, là. Non, mais attendez. Mais attendez, le département 62. Mais attendez. Gérard, laissez-le réfléchir. Attendez, chute deux secondes. Alors Gérard. Non, laissez-le en rentrant. Okay. Le département 62, c'est bien le département du Pas-de-Calais. Mais non. Maintenant, on dit plus Pas-de-Calais. Ça a changé, mais Gérard. Depuis quand? Mais depuis le passage à l'euro, mais tu comprends pas. Non. Allez, là, débat sur les autistes, là, faut que ça change. Allez, sur les culs de jatte aussi, tant qu'à faire. On dit plus Pas-de-Calais, on dit encore du Nord. Absolument. Ouais. Mais attends, le Pas-de-Calais, le Nord. Parce qu'il y a. On s'en fout. Il y a Lille, qui est la limite de la frontière belge. Okay. C'est de la Hollande. Bon, allez, l'alcoolique, là, passe à la suite, merde. Allez, fais pas ton mongol. Allez. Il a dit aller l'acolyte. Arrête. Non, j'ai entendu l'alcoolite. Terminé. Non, c'est l'acolyte. Acolyte. Il a dit l'acolyte, tout le monde l'a entendu, Gérard. Ouais, on va dire surdoué, acolyte. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bah, demande à quelqu'un d'autre. Mange-neu. Oui. C'est pas biquette, c'est mange-neu. Oui. C'est mange-neu, alors. Oui. Oui, mange-neu. Tu veux que je répète? Mais alors, ta réponse? Ma réponse, c'était que je pensais que c'était une parole de surdoué qui tendrait à rendre les personnes aussi surdouées qu'elles en les invitant à ingurgiter des boissons illicites telles de l'absinthe. D'accord. Mm-hmm. Super autiste. Super autiste. Ouais, bah pour moi, éthyliquement, ça veut pas trop dire grand chose ce genre de proverbe. Mais il faut juste le placer dans le contexte, quoi. Ça dépend dans quel contexte tu utilises cette phrase. Mm-hmm. Vigo, pour finir. Ouais, bah moi aussi, je suis d'accord. T'as soudoué, surdoué. Moi, je pense que c'est un grade et étymologiquement, c'est à peu près pareil. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? Étymologiquement. Ouais, étymologiquement. Moi, je pense que c'est pareil. Et biquette? Pareil, moi je pense que étymologiquement, pardon, ça vient de là, donc je pense que c'est une bonne question, absolument, ouais. Mais moi je pense que c'est pas une personne qui lit dans un bouquin. Et toi, que penses-tu de cet adage? Ben attends, je réponds à la question, mon genou. Mais j'ai lu les cartons de ces questions, hein. Qu'en penses-tu? Justement, je réponds à la question. On t'écoute. Donc c'est une personne qui lit dans un bouquin. Mmh. Mais au fur et à mesure qu'elle tourne les feuilles, elle pense à autre chose. Ah, d'accord. Ouais, c'est ça, ouais. Gérard, t'as fait tomber un pou dans ton sandwich. Un pou d'un mort. Oh merde, allez, je vais faire. Allez, attendez avant. C'est une crotte de nez, c'est rien. Alors, Vigo. Au revoir. Bah, moi j'ai déjà répondu, Coco. Non, mais hey, Vigo. Oui. Ça fait déjà deux fois que tu commences à m'insulter, ouais. Donc je t'ai dit au revoir. Pas... Au revoir. Arrête de le traiter d'alcoolique doué. Fais gaffe, super autiste. Non mais j'ai entendu, c'est pour ça que je te le dis, je te le répète. Ouais, non mais fais gaffe aussi parce que toi tu risques de partir derrière. Alors comment distingue-t-on un surdoué d'un sous-doué? Alors 95% de la taille de ses lunettes, 70% à l'écart encouru entre ses dents, 50% au carnet de notes, 30% à la taille de son sexe. À la taille de son sexe, 7% à la fréquence. Hey, mais merde, ouais, bah, je vais dire, ouais, bah attends. C'est sur les lunettes. Ouais, bah hey, c'est bon. Et 7% à la fréquence de. L'ancienne. Alors là, j'ai un truc de Gérard Damery, sous-doué avec des lunettes, né à Douai en 1850, professeur d'éducation physique et psychologique appliquée, maître d'école française d'éducation physique. Il invente le cinéma, il meurt en 1935, voilà, donc. De quoi? Il était surdoué, lui? Ben, apparemment, ouais, c'était un surdoué. Il habitait surdoué. Oui. Il habitait à Douai, bien sûr. D'accord. Et après, on a Henri de Edmond Cross sur Douai. Donc, alors, peintre sur Douai, il sera avec le groupe, il sera et signe... Oh là, les néo-impressionnistes ou punctilistes. C'est fini, le ces œuvres sont... Oh, vous arrêtez là, oui. Pas facile. Ah, Gérard, vas-y, continue à lire. Alors, les néo-impressionnistes. Oh là, j'ai l'impression que c'est bon. C'est pas l'habitude. Quand tu lis, Gérard, on a l'impression que tu souffres. Non, mais attendez, parce que déjà, il y en a qui n'arrêtent pas de me faire des misères ici, alors dans le studio. Donc c'est bon, hein. Bon, Gérard, ce qu'on va faire, c'est que tu vas poser la question suivante, on va écouter un peu de musique. Voilà, donc... Je te donne la fiche, je crois. Ouais, c'est bon. Donc ça, c'est bon, donc alors... Vas-y, pose ta question, on va mettre les gens en attente et on va y aller. Alors, pensez-vous que les animateurs télé ou radio sont-ils surdoués ou sous-doués? On va s'écouter sous-doués ou surnoués de Zérone. Et on se retrouve tout de suite après au 0825 08 5000, vous pouvez toujours nous appeler, merci. Radio. Et voilà, rebonsoir à tous. Donc, on venait de s'écouter les sous-doués sur Noué de Zorun. Donc, vous pouvez toujours nous appeler au 0825-08-5000, pour les Belges, 033-0825-08-5000, sur le chat www.funradio.fr. J'aurais bien voulu savoir à peu près, Esteban, combien qu'on était. Alors, pour l'instant, on est à 2111, et il y a beaucoup de critiques sur le débat qui disent, Gérard, toi-même, t'as pas l'air très intéressé sur le débat, tu devrais plus rentrer dedans, parce que pour l'instant, t'as pas l'air très passionné par ce que tu fais. Si, mais s'il y a des questions qui servent à rien sur le net, c'est pas la peine de les poser. Donc, si on n'est pas beaucoup, donc tant pis. Oui, Hervé. Ah mais nous, on a eu la même réflexion au standard, ouais. Ouais, mais de manière au standard. T'es mou. Non, mais au standard, j'ai bien vu que par moment donné, vous faites rien. Hein. On nous a dit que t'étais pas doué, en fait. Ouais, non, mais donc on va accueillir Jean-Mimi, donc qui vient d'arriver. Ouais, salut Gérard, Jean-Mimi de Boutrolles. Donc mange-neu. Oui, rebonsoir. Rebonsoir. Super autiste. Oui, toujours là. Moi, j'ai reçu un SMS qui me dit la même chose. Hein. Il faut que tu t'impliques plus, t'es pas dedans. T'éteindras ton portable quand tu fais les débats, d'accord, merci. Ok. Et Biquette pour terminer. Oui, rebonsoir Gérard. Bonsoir. Salut. Moi, je vais pas pouvoir rester trop longtemps, Gérard. Hein. Donc, moi, je dois raccrocher, je dois absolument rappeler ma maman. Il fréquentait des Mongoliennes. Donc voilà, moi je vous dis au revoir, à bientôt. Au revoir. À bientôt, reviens. Bonne soirée à tous. Au revoir, bon débat. Merci Biquette. Bonne soirée. Ciao. Hop. Voilà, c'est géré. Ça dégage. Non, ça dégage pas. On lui dit au revoir. Non, mais je sais pourquoi. De toute manière, comme ça, moi aussi je vais jouer de ma face. Pensez-vous que les animateurs télé-radio sont-ils des sous-doués ou surdoués? On va demander à Jean-Mimi. Alors Gérard, en fait, je voudrais savoir si tu qualifies d'intelligence ce que tu crois être, en fait. Je vous demande à vous, je vous pose pas si c'est moi, d'accord, parce que je dois vous répondre. Non, mais je réponds à la fin. Je voudrais avoir ton point de vue, Gérard, sur le sujet des sous-doués. Mais tu veux pas répondre ou quoi? C'est à vous de répondre aux questions, c'est pas à moi, je vous pose une question, vous répondez. Bon, alors, Gérard, là, quand même, t'exagères, hein. Oh là là, Gérard, tu vas pas cautionner ça quand même, Gérard. Gérard, donne-nous ton avis quand même. Vous répondez ou pas? Moi, je veux bien te répondre. Bon, vas-y, mais... Alors, mange-nous. Ça dépend. Et la preuve, on l'a tous les jours sous le nez, quoi. Comment ça? Non, mais tu veux des noms, des détails, tout ça? Pas parler de calme. Parce que moi, je veux pas trop balancer, quoi. Si, vas-y. Ah, vas-y, détends-toi. C'est vrai? Lâche-toi. On va accueillir Amande de Mollard. Non, Amadeus Mollard. Bonjour Amadeus. J'appelle de Casablanquette, 118.8. Peut-être que tu vas m'aider à répondre. Bonsoir Gégé. Bonsoir. Salut. Faut que je réponde direct là, j'y vais, mais vous êtes borné ou quoi ce soir? Super autiste, j'aimerais répondre. Détends-toi Gérard. Voilà. Super autiste, je peux répondre ou pas? J'ai le feu vert. Eh hey, putain, celui qui me soupe dans la gueule, il arrête maintenant! Pour décoller les croûtes. Je sens que tout à l'heure, je vais me barrer, mais vous allez me voir! Hervé, putain. Yeah! Vous allez voir comment que je vais faire, hein! Super autiste! T'es un peu jeune, surtout! Alors vas-y! Vas-y, super autiste! Ouais, moi je dirais que, bon, en animateur, justement, s'ils en sont arrivés à ce point-là, à être animateur, soit radio, quoi qu'il y ait des contre-exemples, soit télé, c'est qu'ils ont un certain talent. Donc on ne peut pas les considérer comme sous-doués. Tu les considères dans quelle catégorie? Bah, moi, je suis comme Van Damme, je les considérerais comme neutres. Neutral. Ouais, neutre avec un petit peu d'ambition, quoi. Molécule, col, CO2, tout ça. Jean-Mimi. Ouais, bah moi, la même chose que celui qui vient de passer. Je pense que bon, Van Damme, pour moi, est un très bon exemple de ce qui peut être le surdoué chez l'homme. Et ma foi, il représente tout à fait cela, quoi. Amadeus, voilà. Ouais, bah écoute, je pense qu'on peut parler. Il y a quand même des grands présentateurs. Je sais pas si tu te souviens, par exemple, de Charlie Oleg. Formidable. Ouais, formidable. Qui, à mon avis, il avait quand même une bonne couche. Alors, c'était du surdoué, du sous-doué, je sais pas trop. À mon avis, au niveau du piano, il était bien surdoué parce qu'il touchait sa bille, mais au niveau du reste, c'était pas trop ça. Il déchirait au beau tant pis. Et tous les musclés. De quoi? Ah bah Framboisier. Ah bah oui, les musclés, c'est vrai, par exemple, les musclés. C'est quand même un bon exemple. Corbier, Patrick Simpson-Jones, tout ça. Non mais attendez, là, je pense que vous allez un peu loin, hein, quand même. Une case dédiée à Monsieur Cadeau, quand même. Ouais, c'est ça. Et puis en radio, par contre, en radio, franchement, des surdoués, j'en vois pas, je vois plutôt des sous-doués. Hein. Tiens, en parlant de Cadeau, Gérard, moi, je te ferai une petite surprise pour ton anniv. J'ai des quignons de pain, je m'en sers pas, je vais te faire un petit assortiment. Ah, tu pourras manger pendant tout le mois. Là. Des apéricubes. Faire des tartines. Je te jure. Des sandwichs de ouf. Tu vas me carrer. Et qui c'est qui vient de dire ça? C'est un peu tout le monde, là, je crois. Alors, je vous préviens, vous n'avez pas commencé, parce que sinon, ça va aller vite. Moi, j'étais en train de boire un coup, alors. Bon, je vais te nourrir. Mange-le pour finir. Ouais. Mais c'est ce que je te disais tout à l'heure, ça dépend qui, mais j'osais pas trop te donner des noms, mais je pense qu'on a fait le tour en citant les musclés et certains présentateurs radio, quoi. Mmh. Oui, Joey Star aussi, il est pas mal dans son genre. Joey Star, ouais. Mmh. Mmh. Ah, faut pas donner d'exemple d'animateur radio, ça va avec, c'est Gérard. Bah ouais, non, ouais. Je voudrais pas, parce que tu vois, ça se trouve, tu te crois moins bon qu'eux ou meilleur qu'eux, enfin, tu t'arrives pas trop à te situer, donc si je te dis des trucs, ça va t'influencer tout de suite, donc autant que ce soit donc, toi-même que tu fasses une image sur la chose. Non, mais dis ce que t'as à dire. Ah non, mais rien de plus, hein, je veux pas... Je crois qu'on a bien compris, en fait. Ouais, bon, voilà, je crois que t'as pas compris ce que je voulais dire. T'es un enfant de la bande FM, c'est tout. C'est tout, non, mais... Toi, t'as ton talent, t'as ton truc, bah, tu fais pas la même chose que d'autres. Et, Son style, tu vois, c'est comme Bernard Ménès, c'est son style à lui, voilà. Quoi. Bon, Darry Cole, c'est pareil, chacun son style, quoi. Voilà. Gérard, on a une question d'un paysan homosexuel du Nord qui demande est-ce que tu t'es déjà pris un doué dans le cul. Je réponds même pas à cette question. Bah, il fait que des fils, toi, bah, des fils. C'est tout? Je vois pas du tout le rapport avec le débat. On est en train de monter, on est à 4139. Parce que t'as repris le débat en main. Ouais, non, mais de toute manière, ce soir. Bon, bravo, Gérard! Gérard, dans le cul! Je vous ai pas. C'est beau. Et celui qui vient de dire des conneries comme ça, il a intérêt de se calmer parce que je vais pas chercher midi à 14h en ce moment, d'accord? Allez, pardon, il a du métier. Peut-il avoir un QI pour devenir soudoué? Tiens, c'est bizarre qu'on puisse pas avoir cet auditeur là de 24 ans. Qui est passé non, c'est pas vous que je parle. De qui tu parles? À toi, Pedro. Quoi? Je suis au standard? Non, mais je te demande. Ah bah, oui, c'est vrai que c'est. Est-ce qu'on peut pas avoir cet auditeur? Qui ça? C'est celui qui courait plus vite que son ombre là. Ah oui, avec ses ans, l'ange là. Avec ses ailes dans le dos, celui non, qui avait... Ouais, celui-là, ouais. Bah ouais. On peut pas l'avoir. On a essayé de l'appeler, on a essayé de l'appeler spécialement, ouais. Comme par hasard, ouais. Ouais, bah celui, il se croyait monsieur tout le monde. Chelou. Donc, on va demander à Super Hostit. Super Hostit. Excuse-moi, parce que là, en même temps, je buvais un verre de flotte, donc j'ai pas entendu ta question. Non, mais attendez, vous savez pas comment ça me les gonfler. Je crois que tu l'as pas posé la question, en fait. Peut-il avoir un QI pour devenir soudoué? Ah oui, si, tu l'avais posé. Ouais, alors le QI... Arrête, me prenez pas pour un con, d'accord? Pardon. Parce qu'apparemment, je vous ai tous reconnus. Non, c'est super utile, j'aimerais répondre. Mais non, Gérard. Le QI, c'est la mesure de l'intelligence. À peine. Donc on peut pas dire qu'un... Mais ouais, t'appelles quelqu'un de soudoué peut être considéré socialement. Selon son QI, quoi. Bah, c'est vrai, ça. Hein. Et celui-là, il y a plusieurs paramètres. Celui-là, il va passer sous un autre nom. Je vais dire, vous faites rien. Attendez, calmez-vous, les auditeurs. Non, t'as raison, Gérard. Gérard, il a raison. Pour le coup, il a raison. Non, c'est vrai. Le standard sonne, personne prend des auditeurs. Mais non, il y a personne. Il y a personne. Et ben, dans ce cas-là, j'arrête le débat et c'est tout. Gérard, calme-toi. Mais non, Gérard, arrête pas le débat. Il a raison. Non, là, t'as raison. T'as bien raison de gueuler, il fout rien. Je mets une baffe. Voilà. Non, mais même ça sert à rien, t'envoies un disque, tu vires tout le monde, tu reprends d'autres personnes, terminé. Hop, moi je continue pas le débat comme ça. Vas-y, d'arracher un œil à Herme au standard. Non, mais moi c'est simple. Il est mon maquillage. Il est 1h15, tu m'envoies le disque et. Non, Gérard, il est pas. Ils reprennent d'autres personnes, c'est moi bon, je Gérard, pars. Gérard, on est d'accord avec toi. C'est les mêmes, il y a Tony Arnett et toute la bande. Hey, tu crois que je les ai pas reconnus? Ça, c'est Arnett. Ça, c'est Tony. T'as connu l'écriture. Ça, c'est Goldo. Et l'autre, t'as Mégane. D'accord? T'as connu l'écriture. C'est Max. Par contre, dès que Lily, elle est partie, tu t'es énervé. Ah, Lily, alors, non, mais Gérard. Terminé. Ça, c'est clair, net et précis. Au revoir. Quand t'avais Lily, t'avais le sourire. Depuis qu'elle est plus là, t'es énervé. Ouais, ça y est. C'est tout, c'est pas de notre faute si Lily elle a raccroché, voilà. Là, c'est les mêmes auditeurs. Bon, Gérard. Ils ont jamais été changés, c'est toujours les mêmes qu'on a depuis tout à l'heure. Gérard, ce qu'on va faire, c'est que. Ils ont été repris sous d'autres noms, mais vous prenez rien depuis un quart d'heure. Gérard, arrête-toi deux secondes. C'est tout. Gérard, si tout se passe bien, on va peut-être essayer de rappeler Lily un peu plus tard. Mais oui. Non, mais donc moi, il y a deux questions. Il est 1h15, on met un disque et terminé. Non, on vient d'en mettre un, Gérard. On remet un disque, je vois d'autres auditeurs. La machine peut pas repartir. Ça y est, on est en train de les chercher. Non, arrête. Tu remets un disque. En attendant, on fait des sondages. Allez, continue, Gérard. Dis les sondages. Non. Oh là là. Il y a une question sur le net. De toute manière, c'est simple. C'est toutes les semaines, c'est le bordel. Toutes les semaines, on a les mêmes auditeurs. C'est pas géré, toi non plus, tes débats. Mais attends, mais je les reconnais. Attends, ça c'est Mégane. Ça c'est les autres. Mais non. Mais si, mais si. Monsieur Mazur, on l'a plus, tu l'as demandé, on l'a plus. Mais non, j'ai jamais demandé à ce qu'ils reviennent, monsieur Mazur. Bah tu l'as plus, tu vois. Comme quoi, c'est tout. On les a plus. Gérard, il y a une question qui... On ne pourra pas faire l'anniversaire dans un état d'esprit. Bah, dans ce cas-là, ça, on ne prend pas d'anniversaire et c'est tout. Je crois qu'on va être obligé d'annuler. Il n'y aura pas de débat et on arrêtera les débats jusqu'à la rentrée. Et encore peut-être. Gérard, il y a des gens... Lily, à mon avis, Lily, tu la verras plus jamais. Hein. Jamais elle aura envie de toi. Question nette. Il y a des gens qui disaient il y a les surdoués, il y a les sous-doués et les gens qui sont ni l'un ni l'autre, on les nomme comment? Une vraie question de débat. Ben les surdoués, c'est ceux qu'il y en a qui arrivent qui comprennent pas ce qu'on veut dire. D'accord. Comme au standard, quand on leur demande de prendre du monde, ils arrivent pas à comprendre ce qu'on veut dire. Bon, d'accord, moi j'en fais qu'à ma tête, ça c'est mon problème. Et les autres, ben on les classe dans une catégorie à part. Merci. Voilà. Nickel. Voilà, c'est tout. On est à 6999. Eh ben voilà. Et depuis, quand il a entamé sa réponse, hein. Ça attention. A augmenté d'un coup. 6000 combien? 6999. Ça a augmenté de 800 à partir du moment où t'as expliqué. Donc voilà, bah maintenant on va attendre d'avoir du monde. On a quelqu'un qui est en ligne là, on a qui? Allô? On a Marie Mure. Bonsoir. Voilà, tu vois, on a quelqu'un d'autre. Bonsoir. Excusez ma voix, je suis un petit peu enrouée, mais bonsoir Gérard. Bonsoir. Je suis surdouée, 119.9. Mais non mais... Marie Mure. Non mais, qui c'est qui a demandé à ce qu'on aille que des gens de doués d'appeler? Mais c'est toi, tu nous as dit un débat sur les surdoués, et ils sont tous surdoués. Moi, je suis surdouée. Mais, sauf, on en avait une tout à l'heure qui était de Arras, donc elle était juste sous-douée. Non, mais là, je crois que c'était pas la ville. Gérard, ouais, on s'est mal compris, on a compris surdouée. C'est pas du tout ça. Non, c'est pas si on nous dit rien non plus. Non, mais... Mais la prochaine fois, pour que ce soit clair, fais un débat sur Roubaix. Pourquoi aussi? Parce qu'il n'y aura pas de problème. Vous voulez pas que je fasse aussi un débat sur le cyclisme Paris-Roubaix non plus, non? Tant que vous y êtes. Ouais. Pourquoi pas? Non? Pourquoi pas? Donc on a qui? Écoute, voilà. Bah moi j'ai pas la... On va faire les fiches, Gérard. Bonsoir. Voilà, on a quelqu'un d'autre qui est là, vas-y. Bonsoir Gérard, bonsoir l'équipe, c'est Louis Armstrong. Bonsoir, j'appelle de Cacapulco, c'est 117.7. Bonsoir Louis. Bonsoir tout le monde. Tu vois, il n'est pas de Douai, lui. Ah non, moi je suis pas de Douai, je suis de Cacapulco, hein, c'est dans le sud. Voilà, Cacapulco. Tout à fait, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bon, alors, en attendant qu'on... Il y a une troisième personne, Gérard. Moi, c'est Douai de sauvetage et j'habite à Paris. Hein. Donc, j'habite pas à Douai. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bon, bonsoir, je vais faire un sondage. Bonne bonsoir idée, oui. Céline, hein. Bonsoir à Pedro. Bonsoir. Bonsoir. On va laisser parler Gérard, peut-être. Il n'y a pas d'Apolline hein, dans les débats, d'accord? C'est Céline, hein. Faut te déboucher les oreilles, Coco. Si ça te plaît pas, c'est le même prix, d'accord? Ouais, vas-y, ouais. Dans le calme. Alors, quel métier pour les sous-doués? Alors, 85%. Des technocrates, 50% des anthropographes, je pense que c'est. Anthropophages. Ouais, ben ça, je sais pas où vous allez me chercher ça, mais enfin, c'est pas grave. 30% des ethnocentristes, 20% des sumériens et 5% podologues. Gérard, tu pourrais nous expliquer le sondage? Ouais, est-ce que t'es d'accord avec le sondage déjà? Non, mais attends, déjà une. Je sais pas où qui vont me chercher ça et de toute manière, t'expliquer tout ça. C'est en interviewant les gens dans la rue, Gérard, tout simplement. Non, mais Gérard, est-ce que t'es d'accord avec ces chiffres d'abord? Avec ces chiffres-là, non, je suis pas d'accord. Tu dirais quoi alors? Moi, je répondrais même pas du tout, je m'abstiens. Mais tu peux expliquer les mots parce que j'ai pas tout compris, moi. T'es un technocrate? Ouais, c'est quoi? Bah, technocrate, tu sais pas ce que c'est un technocrate? Bah non. Ah ben, dans ce cas-là, moi non plus. C'est un monsieur qui ramasse les crates. Ah, anthropophage aussi, c'est quoi ça? Anthropophagiste? Ouais. Mais ça, je sais pas ce que c'est. Mais ça a un rapport avec anthropophagiste, non? Bah ça, je sais pas, et des technocentristes... Un mec qui vend son rêve techno, un technocentriste, non? C'est un rêveur. Ouais, je pense, à mon avis. Ouais. Des sumériens, je sais pas. Bah, c'est les gens qui vont souvent à la mer, les sumériens, ouais. Et puis après, il y a des podologues. Ah, ça, il n'en faut pas parler de ça, les enfants, tout ça, c'est pas bien. Non. Par contre, je comprends pas quand tu dis 58%, je comprends pas ce que ça veut dire, en fait. Non, j'ai jamais dit 58%. C'était combien, t'as dit 59, je crois. Il y a 85% des technocrates, ça, 50%. Ah là, 50%, c'est ça, 50%. En fait. Ah ben moi, c'est pas moi. Moi, c'est des sondages. D'après ce qu'on m'a dit, c'est des sondages qui ont été pris dans la rue. Mais attends, 50%, ça fait quoi? Ça fait une personne sur 4 à peu près, en fait. Bah, ça doit être une personne sur 4 ou sur 10 qui répond. Ouais, ou sur 10, ouais. Peut-être sur 10, ouais, tu dois avoir raison. Qui répond, ouais, qui répond, c'est tout. Ouais, bon. Donc, okay. Alors, peut-il avoir un QI pour devenir sous-doué? On va demander à Diagode. J'ai une question de Pine de Lapin, moi, qui demande, est-ce que GG, tu as déjà pratiqué la surdomie? Mais ça a rien à voir avec le débat, ça. Ouais, ça a rien à voir, Esteban. Hein. Ouais, mais surdomie, sous-doué. Ouais, mais... C'est bon quand même. C'est le genre de... Ouais, c'est bon à prendre. Ouais, d'accord, c'est bon à prendre. Recommencez pas à me casser les cacahuètes, parce que là, ce coup-là, je vais arrêter le débat complètement. Allez, Gérard, retourne bien au débat, repose ta question, aller, oui. Ils vont répondre à part un, vas-y. Voilà. Allez, Gérard. Faut-il avoir un QI pour devenir sous-doué? Bien sûr. Digote. Bon, salut Gérard, tout d'abord, je viens de Gougnafray. Moi, je pense que les diplodomates sont des bons surdoués. Je voudrais avoir... Faut-il avoir un QI? Bon, Gérard, je te pose la question. Ok. Alors, suivant. Oh là là là là. Ok, la personne suivante qui peut répondre à la question, peut-être. Écoute, GG, moi, c'est Louis Armstrong. Bon, faut le savoir, je suis le fils de Louis Armstrong, hein, celui qui a marché sur la Lune. Joli, quand même. Donc, bon, nous, on est plutôt surdoués dans la famille. Je pense qu'un QI, c'est un bagage minimum. Hein. Si tu peux te pointer avec ton propre QI perso, franchement, ça aide pour passer l'examen de surdoué. Hein. T'as déjà vachement plus de chance. Je sais pas si t'as déjà eu l'occasion de passer un examen de surdouage ou pas, toi, dans ta jeunesse. Non, pas du tout. Non, pas du tout, mais si tu viens avec ton propre QI, franchement, t'as déjà fait la moitié des deux tiers du chemin, hein, direct. Ah ben, t'es bien au courant, toi, Nous, on est dans le business. T'es vachement bien au courant de ma vie privée. Pourquoi? Au niveau du surdouage? Non, parce que tu balances quand même des trucs à l'antenne que... Ah non, mais moi je te dis, ça vient de ma famille. Je me serais abstenu d'en parler. Et mon père, il a marché sur la Lune. Je me serais abstenu de parler de la vie privée des autres personnes que tu ne connais pas encore, d'accord? Ouais, alors que tiens, il a marché dans la merde, je sais. Bon! Alors, ce coup-là, vous me faites chier! Arrêtez, attendez. Gérard, j'ai une vraie question sur le net, voilà. De Gérard Mandbullo. Gérard, peut-on sous-estimer un surdoué et surestimer un sous-doué? Alors, surestimer, ça dépend dans quel sens qu'il veut. Non, tu me dis. Dans le sens de l'estimation globale par rapport à un travail non acquis, tout simplement. On peut estimer un sous-doué sur un travail mal fait. Bien sûr. Et sur l'autre partie, on peut lui dire, bon, malgré qu'il ait du mal à comprendre, comme celui, l'auditeur qu'on n'arrive pas à voir, mais c'est bizarre, on peut lui dire qu'il avait fait quelque chose de bien, voilà. Merci Gérard. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire Bravo. Là-dessus. Bravo. Alors, bouée de sauvetage pour continuer. Bah écoute, moi... Malgré que Louis Armstrong... Non mais je suis désolé, ça m'a échappé. Non mais de toute manière, moi je vais te dire une chose. Je t'ai répondu. Je te présente toutes mes consignes. Non, mais moi maintenant ça va être clair et net, précis. Et je vais me tenir à carreau. Ouais, mais de toute manière, t'as plutôt intérêt. Ah, juste un carton jaune direct. C'est bon, il est cool. Prochain carton, c'est expulsion. Mais tu vas voir, tu vas même pas faire deux cartons, tu vas en faire qu'un si tu continues, d'accord? Dans le calme, ok. Ok, alors en de bon entendeur, salut. Ouais. Salut. Tranquille. Hein. Boîte sauvetage. Bah écoute, je suis le fils de Bernard Pivot quand même, bien le dire. Et moi je t'enchaîne les dictées à la volée, moi je suis un surdoué, vas-y enchaîne, hein, je t'écoute. Je te demande de répondre à la question. Je te demande pas si t'es le Bernard. Je suis pour une dictée là, vas-y enchaîne. Hein. Est-ce qu'il faut avoir un QI? Attends, moi j'ai un QI de 140, hein. C'est pété. Et tu crois qu'il y en a qu'on des QI encore plus gros que ça? Bah oui. Non, mais toi t'es dans le négatif donc. Kafelnikov qui joue aux échecs, il a 180. Ouais, ah, quand même, hein. C'est pas mal, hein. Ouais. Et Michael Schumacher, il a 200, d'accord? Ouais. Merci. Non, mais c'est pas des conneries. Merci. Mais c'est pas toi, là. Là, c'est pas toi, Pedro, d'accord? Là, c'est des gens qui rigolent. Voilà. Hein? Non, bien sûr. Et Gérard, t'as un cul de combien, toi? De 0, comme ça, ça te va? Voilà, ça va dire. C'est 20. Ouais, c'est ça. Bah la poule, quoi. C'est l'heure de vérité ou quoi, là? Ouais, bah oui. Et tu l'as vu l'émission de QI, là, qu'il y avait sur la 6 à un moment, là? Avec Castaldi, là. Ouais, tu l'as fait? Non, mais attends, c'est bon, vous allez pas me prendre la tête avec vos conneries comme ça, d'accord? Bah non, mais c'était pas la télé dans ton foyer aussi, je sais pas. Hein. C'était des vraies questions, c'était des vrais chiffres. Alors, messieurs, je préviens. Oui. Ce coup-là, il est 1h23. Non. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y en a un qui a été balancé une connerie. Qu'est-ce qu'il a dit? Attends, je vais mettre un disque. Qu'est-ce qu'il a dit, Gérard? Il y en a un qui a été sorti que j'étais dans un foyer Il a mais non. Mais tiens, mais bon, on va s'occuper de son cas en antenne. Arrête, Jeanne d'Arc. Non, il a raison, on l'a entendu. Donc tu vas lui dire en antenne, tu vas lui dire qu'il faut pas. Une question de Al Bundy, Gérard. Voilà. Est-ce qu'un sous-doué peut être victime de sous-ménage ou peut-il raconter des histoires sous-naturelles? Manière à sous-doué peut être menacé par des gens qui sont mal élevés au standard et comme sur le net, en de bon entendeur, salut. Voilà, mais attends, elle était sérieuse la question. Ah, non, mais même, on va s'écouter. Ah, tiens, voilà l'affiche. On va s'écouter, mets-toi un doigt de par derrière et on se retrouve peut-être après au 0825 08 5000. Ce soir, les débats du Gérard. Tu te foudrais pas de ma gueule ou tu prendrais pas le train là? L'émission la plus barrée de la bande FM sur Fun Radio. Et voilà, rebonsoir à tous, suite et fin du débat, donc mets-toi un doué de par derrière, et voilà, donc suite et fin du débat, donc pour ce soir on va écouter, on va essayer de d'écourter un peu, c'est dommage, mais bon, moi ça sera comme ça. Non Gérard, c'est bon, ça va bien se passer, elle va rappeler Lily, t'inquiète pas. On est combien sur le chat? Sur le chat, on est repassé à 3980 parce qu'il y a des gens qui te reprochent d'être uniquement intéressé par Lily et par personne d'autre. Voilà. Et il y a beaucoup de reproches. Mais ça, si c'est comme ça, dans ces cas-là, on va faire une chose, et on va arrêter, puis c'est tout. Ouais, mais tu dis que ça depuis le début, Gérard. C'est pas sympa pour les auditeurs qui écoutent. Tu dis que tu vas arrêter depuis tout à l'heure. Pense aux gens qui t'écoutent et qui t'entendent qu'une fois par semaine, quoi. Voilà. Et là, ils attendent du débat. Tu te fous du débat. Nous, on reste jusqu'à 2h du mat pour faire les débats avec toi, et tu t'intéresses même pas. Mais je me fous pas de ça. C'est que c'est tout. Il y a des trucs qu'on t'a dit tout à l'heure à l'antenne et que j'aime pas, et c'est tout. Bon, écoute, on va les gérer. Voilà. On va y retourner. On part sur de nouvelles bases. Hein, on y retourne. Donc voilà. Ok. On a qui là actuellement? On accueille Marie Mur. Ouais, rebonsoir tout le monde. De Douai. Ouais, je suis sur Douai. Gasparov de Roubaix. Bonsoir Gérard, bonsoir Suren, bonsoir tout le monde. Voilà, bonsoir Suren. Et voilà, bonsoir. Ça commence. Mais tu mais c'était Suren. Mais t'es Suren. Ça commence. Mais non Gérard. Mais ça recommence. Oh, c'est un clin d'œil. Bon, allez, on y retourne. Ah, ça commence. Arrête, c'est bon, arrête de faire ta star. Arrêtez-vous. Attends, si t'es pas content, c'est le même prix, d'accord? Arrête, ne chauffe pas, j'en prie, ne chauffe pas. J'en ai eu des enfêtes, là. Allez. Ça m'est fait pas chier, c'est ton débat. arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez. Non, Gérard, tu restes là. Arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez de le charrer. Je te préviens, Gasparov, pas Gasparov. Ouais, je te préviens, toi, tu vas pas rester longtemps, d'accord? Tu retournes au standard, tu vas voir Céline. Merci. Voilà, retourne au standard. Voilà, 2 secondes, et on y retourne. GG, il y a moyen qu'on fasse un point Love Story, là, parce que je me tiens pas au courant, là. Non, on fait pas Love Story. Bon, ok, tant pis. Sirob. Yo, c'est Sinoc. Appel Poitiers, 112.5. Et toi, ouais. Ça t'arrive de parler français? Appel Sinoc, appel Poitiers, 112.5. Choco. Ah, ça, c'est bravo, c'est dit au standard. Tu vas le reprendre et tu vas vite le gérer. Allez, vas-y. Mongolien. Allez, hop, terminé. Allez, hop. Non, mais de toute manière, ça va aller vite. Moi, c'est voilà. Attends, Gérard, parce qu'il faut compter au moins jusqu'à moins 20, parce qu'on va peut-être appeler Lily, elle va peut-être revenir. Donc, faut au moins qu'on reste là jusqu'à moins 20, moins quart. Ouais. Et Douai le queue? Non, Douai dans le HUC. C'est Paris 109. Donc, bonsoir. Ouais, bonsoir. Lui. Allez, Gérard, réveille-toi, vraiment. Alors, la question, c'était. Qu'est-ce qu'on avait posé comme question? Ah, c'est toi qui fais le débat, mon grand, c'est à toi de voir. Bah, attends, on a balancé le disque, on n'a même pas posé la question. Eh ben, vas-y, j'ai une petite question sur le net, alors. J'ai une petite question de Bertrand de la Douai qui dit: est-ce qu'un pigeon surdoué est cuit au four à un cuit-cuit? Non. D'accord. Non. Ouais, okay. C'est net. D'accord. Combien de temps de cuisson? Ça, on n'en a rien à foutre de combien de temps de cuisson. C'est comme les dents. Voilà. Deux minutes. Bon allez Gérard, vas-y, en qui? Alors, la question, faut-il... un surdoué, peut-il conduire un camion ou autre? On va demander à Douai dans la queue. Douai dans la queue? Douai dans le HUC plutôt, non? Oh, GG. Putain, oui, oui. Allez, Gérard. Tu vas enchaîner, fumier. Bon. Ah, fumier, terminé, au revoir. Terminé, le débat. Arrête, Gérard. Je parlais pas à toi. Terminé. Voilà, Gérard. C'est terminé. Non, Gérard. Le débat est clos. Arrête. Ça fait trois. Gérard. Ça fait trois fois que je suis insulté, c'est terminé. Il t'a pas insulté, il parlait à l'autre auditeur. C'est terminé. Gérard. Gérard, tu prends tout le pour toi. Le débat est terminé. Gérard. Bah alors t'auras pas Lily tout au téléphone. Tout est terminé. T'auras pas Lily au téléphone. Voilà. Tout est terminé. Gérard. Le débat est clos. Gérard, je peux en placer une? Bon, il parlait pas à toi, il parlait à l'autre auditeur. Ouais, c'est ça. Et tu l'as pris pour toi. C'est vrai, Gérard? Ben oui, c'est ça. Et en plus, il faut courage au moins jusqu'à moins quart parce que Lily doit appeler normalement. Donc, faut tenir, sinon tu lui parleras pas. À dernier tour. Ouais, mais là, je préviens, je vais pas me faire insulter comme ça, hein. Mais il t'insultait pas toi. Non, mais ça va aller vite. Allez, Gérard. Alors, un surdoué peut-il conduire un camion ou autre? Oh là là. Des questions. S'il vous plaît, répondez à la question, s'il vous plaît. Bonsoir. Allez-y. Bonsoir. Bonsoir, c'est Pierre-Jean. Il y a deux nouveaux auditeurs, s'il vous plaît. Alors, on accueille Pierre-Jean de Pochetron-sur-Branca. Oui, c'est dans le Kosovo, 178. Bonsoir, Gérard. Comment ça va? Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, les auditeurs. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Et qui est-ce qui est là encore? Nenou, là. Où non, c'est Nemo, Gérard. Nemo de Marseille. Ne m'insulte pas, j'appelle de Marseille. Bonsoir, Gérard. Bonsoir, Nemo. Bonsoir. Bonsoir. Allez, on va répondre à la question. Question. On va demander à Doué dans la queue, là. Oui, dans Huc. Donc, un surdoué peut-il conduire un camion Ou autre. Moi, je penche pour autre parce qu'un surdoué, quand même, je sais pas, un Q8-2, c'est bon, tu le conduis ton camion. Hein. GG, t'as quand même conduit un Camtar, c'est ce que t'es. C'est ce que c'est, quand même. Ouais, merci, je connais. Tu te considères comme un surdoué, toi? De manière, t'as pas besoin d'être surdoué ou autre pour conduire un camion, d'accord? C'est bon, t'as répondu à la question, hein. On peut enchaîner la suivante. Mais attends, si ça te plaît pas, c'est le même prix, d'accord? C'est pas toi qui vas me commander, d'accord? Bah, écoute, j'ai pas, t'as répondu, c'est bon. Bah non, mais c'est toi, depuis quand tu me commandes, toi? Ouais, vas-y, ça va, il y a d'autres auditeurs, quand même, Gérard. Voilà, et Gérard... Il y a une question de Scatanic, surfeur. Est-ce que les routiers ont eu leur diplôme de soudoué pour conduire? Non, il y a pas besoin d'avoir un diplôme pour conduire. Il y a pas besoin, hein. Non. C'est certain? D'accord. Non. Ah, faut qu'on le communique à la presse. Donc, justement, en parlant de ça, je les salue tous, les Podzo qui sont sur la route, et bonne bourre à vous. Ouais, donc, et les taxis, tu les salues jamais? Bah, attends, les chauffeurs de taxi aussi, d'accord? Je suis pas tout seul à passer des bons jours, d'accord? D'accord. Ok, Gérard, on les embrasse, on leur fait la bise. Tu penses beaucoup aux routiers, mais pas souvent aux taxis, quoi. Ouais, mais chauffeurs de taxi, il y en a qu'on vous estime bien, d'accord? Ils crachaient dans le camion. Malgré qu'on vous passe pas assez de coucou, mais n'ayez crainte, on vous estime quand même bien. Ils prenaient des putes. Parce qu'on en chie aussi la nuit. Ouais, je le sais. Voilà, Gérard, on va peut-être retourner au débat maintenant. Par contre, celui. Il est pas dans la couchette. Pas moi. Ok, Gérard, vas-y, pose une autre question, parce qu'à priori, t'as répondu à la question, c'est bon. Hop là, voilà. Donc, Groove. C'est Rouve, là, ou je sais pas quoi. Non. C'est Rouve ? Non, il a été viré, c'est Rouve. Ah, il a été viré, Gérard. Ouais. Tu l'as viré tout à l'heure. Punaise. Ah oui, bah, tu vires tellement de gens qu'après, c'est le bordel, hein. Quelque chose de mignon. Ah, c'est clair. Bah, alors. Alors, Gasparotte. Allez, mais tu l'as viré aussi, Gérard. Putain, je m'assure que ça. Gérard, demande-leur qui se présente. Pierre-Jean. Ouais. Moi, je dirais que conduire un Camtar, ça demande certaines compétences, donc c'est pas donné à tout le monde, et j'estime que c'est pour des gens qui ont un excellent QI, qui ont des réflexes, qui ont une acuité visuelle acerbe. Donc pour moi, ouais, ça demande certaines compétences, c'est clair, Gérard. Nemo. Tu peux m'expliquer l'acuité visuelle acerbe? Ouais, j'ai pas compris non plus l'acuité. Tu peux lui dire de se taire derrière. Ok, donc pour moi, les surdoués, c'est les mecs qui conduisent des taxis. C'est clair. Ouais, mais il y a ça, et puis aussi les camions, hein, d'accord? Bah, il y a les routiers, ouais, mais bon, les routiers, il y en a tellement par rapport aux taxis que... Non, mais il faut dire une chose que... Bon, attends, on va laisser parler Marie-Mure. Marie-Mure, ouais. Non, faut pas avoir fait les nains, hein, pour conduire un camion. Donc, suffit d'avoir un peu de synchronicité dans les membres et voilà, quoi. Après, tu connais tes panneaux. Bon, faut pas être trop... Tu vois. Ouais. Et après, tant qu'il y a première, deuxième, troisième. Il y a quatrième. Là, sur l'autoroute, à fond la caisse. Voilà, tu t'es l'autoroute pour voir les teupus. Je pense pas, mon ami. C'était Nemo là qui parlait des chauffeurs de taxi, c'est ça? Ouais, je te parlais des chauffeurs de taxi, ouais. Non, mais faut bien se dire une chose que bon, c'est vrai que vous êtes comme certains chauffeurs routiers, vous risquez aussi votre vie comme tout le monde, d'accord? Ouais, c'est clair. T'es d'accord avec moi? Ouais, ouais. Bon, donc. Il y a peut-être plus de femmes dans notre métier que dans le métier des routiers. Quoi. Mmh. Il a l'air grave motivé, le CAM, là, quand même. Hein. Non, mais ça, c'est vrai que du côté poids lourd, c'est vrai qu'il n'y a pas tellement de femmes. Hein. Ouais. Il y en a plus, et encore... On a connu quelques-unes, quand même. Ouais, t'en connais quand même quelques-unes. Qui conduisait chauffeur... Non, pas forcément. Non, des 40 tonnes. Ouais, voilà. Ah non. En tant que chauffeur routier, non. Bah attends, tu les as niqués. T'en as rencontré des bonasses quand même, chauffeur routier, non? Ouais. Ah non. Même ça, je peux te dire non. Hein. T'en as pas tiré une seule. Il y en a quelques-unes quand même. Non. Non, ça je peux te dire non. Bon, donc on va pas s'éterniser là-dessus. Donc c'est pour te dire que pour dire à Nemo qu'en fin de compte c'est vrai que dans votre profession il y en a, mais elles sont plus de jour que de nuit. Ouais, mais je pense qu'il y a plus d'agression chez les taxis que chez les routiers, tu vois déjà. Ouais, non mais pourquoi? Parce que vous avez quand même une recette à ramener... parce qu'on a des clients, alors que les routiers ils prennent pas de clients la nuit. Ouais, des routiers, hein, y en a qui prennent des clients. Hein. Nemo. Ouais. Attendez derrière s'il vous plaît. Et Nemo, faut bien me dire une chose que certains routiers ont des recettes aussi sur eux à ramener au patron, hein. C'est-à-dire, c'est vrai qu'ils ont une grosse marchandise aussi. Ouais. Hein, parce que tu dis qu'il y a moins d'agression vis-à-vis des routiers par rapport à vous. Moi, je peux te dire que non. Parce qu'au moment des fêtes de fin d'année, y en a quand même pas mal qui sont à voir parce qu'ils ont des magnétoscopes et tout ça dans les remorques. Hein. On s'éloigne un peu de l'alcool. Il y a tout. Hein. Donc, non, mais c'est bon. C'était pour vous dire, voilà. Voilà, d'accord. Ouais, vas-y, à coup. Donc, voilà. Tranquille. Alors, d'où peut provenir la maladie d'un sous-doué? Ton cul. Je t'écoute. Dans 5 minutes, le débat est terminé. Comme par hasard, c'est marrant, Gérard, c'est marrant. C'est comme par hasard, c'est dans 5 minutes quand on doit appeler Lily. C'est marrant, ça. Gérard, c'est pur hasard. D'où peut provenir la maladie d'un surdoué ou sous-doué? De ton kiste. Vas-y, laisse tomber. Gérard, c'est de l'humour, prends-le bien. Elle attend que ça, que tu rebondisses. Ouais, souris, mon téchico. Oublie. On va demander à Nemo. Ouais. Bah, la maladie, c'est quoi? C'est une maladie d'être surdoué ou sous-doué, c'est ça? Ben, de manière, tout à l'heure, j'ai demandé sur la première question. D'après vous, peut-on guérir une personne sous-douée ou sous-douée? Ça peut être une maladie. Hein. Mais non, explique-toi, là, parce que je comprends pas depuis le début. T'as l'impression de faire passer les sous-doués pour des malades mentaux. Ouais. Ah bah, alors que c'est pas vrai, hein. Non mais attends, quand tu vois l'autre personne qui est passée à l'antenne et qui savait pas ce qu'il disait, je suis désolé. Il était très bourré. C'est normal. Attends, c'est toi qui les as fait les questions, GG, là, ou quoi? Ouais, c'est moi. D'accord, plus bénéfice du doute, quand même. Bon, ok. Ah, tu fais tes questions, maintenant, GG? Ah ouais? Pourquoi, ça vous gêne? Bah, je sais pas, on dit qu'il est deux. Le copier sur un bourbolin, c'est pas possible. Ouais. Pas vrai, ça. Hey, tu nous présenteras tes potes Trisomie, GG? Trisomie Pastis 51. Et tu connais ton QI, toi, GG, ou pas? C'est 60. Ah oui, t'as eu combien de points la question? Gérard, réponds la question. Très bien! Gérard, on t'a demandé. Ma vie privée ne vous regarde pas, je ne réponds pas! Terminé! Arrête, tu tombes dans la provoque, tu mènes pas ton débat, regarde. Terminé, c'est tout. C'est vrai, Gérard. Terminé. Non, Gérard, c'est pas terminé. Il y a des gens qui veulent te provoquer. Par exemple, Tomate qui te dit, est-ce que ton dentiste, GG, c'est un sous-doué? Eh ben, ça, c'est fait pour t'énerver et ça doit pas t'énerver. Terminé, le débat est clos. Tu réponds du tac au tac. Terminé, j'en ai marre de qu'on m'insulte. On t'a pas insulté. Mais c'est vrai, Gérard, on t'a pas c'est insulté. C'est tout terminé. Non, Gérard. Le débat est clos. Gérard, avoue que t'en as rien à foutre du débat depuis le départ. Sérieusement. Terminé. Je te pose une question. Je savais très bien comment que ça allait se terminer. Mais se non. Tourner. Cette manière, c'est toutes les semaines, donc c'est terminé. La semaine prochaine, pour mon anniversaire, il n'y aura rien, c'est tout annulé. Terminé, point final à la ligne. Oh, il est moins le quart, terminé. Enfin, si le directeur d'antenne, il entend voilà. Ça, tu pourras plus du tout rentrer dans le truc. Dans le mais bâtiment, alors, terminé. De manière, j'ai déjà plus le droit d'y rentrer, d'accord? Ouais, mais merci. Là, plus du tout. Donc, maintenant, le... Non, Gérard. Tout est clos, c'est tout. Non, terminé. Gérard, c'est pas clos. Terminé, c'est moi qui commence. On n'a même pas fait de conclusion, on n'a rien fait. Donc, on fait conclusion, Nemo. On fait, voilà. Elles étaient bonnes, tes questions, là. On fait pas conclusion, Gérard. On fait, conclusion! Gérard, on fait pas conclusion. Il faut qu'on tienne à moins jusqu'à moins quart. Il y a Lily qui doit appeler. Non, il est moins le quart, c'est tout. J'ai remarqué que comme par hasard. Il est moins le quart et c'est tout. J'ai remarqué que comme par hasard, quand on arrive à moins quart. Il est moins le quart et c'est terminé. Arrête. Arrête, Gérard. Sérieusement. Tu vois, il est moins le quart, comme par hasard, tu vas arrêter parce que tu sais que Lily doit appeler. Peut-être. Non, j'ai dit que. Alors, on va aller jusqu'au bout. Tu vas poser une autre question, tu vas continuer celle-là, et après on fera la conclusion, ok non, Gérard? On fait conclusion, c'est tout. Regarde, personne ne veut faire la conclusion. Vous voulez faire non, la conclusion? Non, non, non, non, question, non, question. Mais même, c'est pas parce que Max est parti, maintenant c'est moi qui commande, et celui qui me souffle dans la gueule, arrête! C'est pas toi qui commande. Ok, si c'est moi qui commande en ce moment. C'est sur la ligne 1. Terminé, hop! Conclusion du débat est terminée, on n'en parle plus. Oh là là, mais tu me travailles mal fait, ça aussi. Tu dis que je vais te sucer pour rester, tu vois? Ouais, c'est ça. Allez, c'est bon, hop! On arrête un peu de dire n'importe quoi. Tant pis, on appellera pas Lily, tant pis. Si une nana qui te kiffe à l'antenne, moi je te kiffe, hein, vas-y. Je vais bien t'allumer après. Tu vois, il y en a qui... Non, terminé. Tu prends l'antenne, la Lily, tu vas vite l'oublier, t'inquiète. C'est bon, elle est bonne en plus, elle est bonne. Terminé, je fais conclusion du débat, c'est tout. Ben, maintenant, Max arrive, maintenant vous allez voir. Eh ben, tu as quelque chose, là. Je dis que c'est terminé, c'est tout, d'accord? Alors, c'était question, là. Mais arrête de pleurer, putain, et pose ta putain de question. Mais la putain de question, c'est moi qui l'ai fait, j'ai dit que c'était terminé. C'est clair, net et précis. Oh le gogol. Enchaîne, là, sérieux. Hein? Parce que depuis le départ, vous arrêtez pas de m'envoyer chier. Mais arrête de chier. Maintenant, c'est terminé. C'est terminé. Gérard, arrête de faire ta star. Terminé. Bonsoir. Est-ce qu'on peut m'accueillir? Non, c'est terminé. Bonsoir, Gérard. Arrête de pleurer, fais ta conclusion. C'est terminé. Bon, Gérard. Je vais pas te percer, tu vas dégager chez toi, mais d'accord? C'est vraiment, mais Gérard, la famille le bœuf, on essaye de faire un débat intéressant et t'es sans arrêt. Mais depuis tout à l'heure, vous arrêtez pas de me balancer n'importe quoi, donc maintenant c'est terminé. La semaine prochaine, il n'y aura rien terminé, final. Tu l'as déjà dit 10 fois que c'est terminé. Ok, ouais, terminé. Gérard restera chez lui. Voilà, il n'y aura pas de pinard, il n'y aura rien. Bon, Gérard. Putain, mais tu me fais chier, toi aussi! Arrête! Merde, tiens! Tu as fait tout seul ta conclusion! Mais non, je vais pas la faire Gérard. Tout seul. Gérard! Ouais, il fait son show. Bon, alors on fait quoi? On attend. Ah, on va chanter la chanson. On va chanter la chanson. On a la fameuse chanson à faire. Alors on va chanter. La chanson, tant pis pour ta gueule. On va la faire tout seul. Reviens, Yvonne. Alors faut laisser le premier couplet. Hein. Non! Alors attendez, les auditeurs, on met en attente. On fait tout de suite. On va faire une chanson, alors attention. À trois. 1, 2, 3. Allez, GG! Tes débats puent des pieds, c'est de la merde. Tu fais pour niquer. T'es trop bourré, tu peux même plus bander. Allez, GG, tu nous fais bien marrer. T'es comme Sandy, t'as les dents bien vives. T'es chemise. T'es sur tes ailes. La suite tout à l'heure parce qu'il revient. Non, voilà. Gérard, tu reviens. Viens, Gérard. On fait carrément une chanson pour te faire revenir. On a fait une chanson entière pour toi. Non, j'en ai rien. Allez, Gérard, regarde les auditeurs. Gégé. Franchement, les auditeurs, elle était bien. Elle était géniale. Elle est géniale. Tu vois, tout le monde adore. Faut prendre ça à l'humour. Mais voilà, Gérard, faut prendre ça à l'humour. Écoute les gens. C'est des paroles de Johnny Hallyday. Voilà, il est de retour. Ça y est, il est en train de s'asseoir. Il est lourd. Calmez-vous, s'il vous plaît. Et donc, mets ton casque, Gérard. Il a pas d'humour. Si, il en a. Par contre, là, maintenant, il écoute. Ah, quand même. Bon, tu nous entends, Gérard? Oui, il vous entend. Allez, allume ton micro. On t'aime bien, on a envie de continuer. Bonne anive. Voilà. Non, mais c'est tout, c'est clos et c'est terminé. Tu as pas chialé, quand même. C'est tout, c'est fini. Plein de cadeaux. Plein de cadeaux pour bonne anive. C'est fini, c'est tout. Mais non, c'est pas fini. Vous voyez, c'est terminé, le débat est clos. Mais il est pas clos, il est que moins quart, regarde. Moins quart, on a le temps, là. En plus, GG, il y a un nouvel auditeur sur la ligne. Mais en plus, il te reste des questions. Pose une question, Gérard. Vas-y, t'en as fait 15, on l'a même pas fait. Gérard, la question. C'est pas la peine d'insister, c'est non. Mais qu'est-ce que t'as ce soir? Sérieux? Qu'est-ce que t'as, Gérard, ce soir? Ah, il est amoureux. Non, mais ça vous regarde pas. C'est bah si, GG, tu fais chier tout le monde, là. Franchement, Gérard, depuis que Lily est parti, ça y est, tu nous prends la tête. Qu'est-ce qu'il y a? Non, même à votre manière, c'est pas ça, c'est tout. Non, mais t'as pas été pareil. T'as pas été pareil quand Lily voilà. était là, tout allait bien, t'étais tout sourire. Une fois que Lily elle est plus là, t'en as plus rien à foutre de voilà, ça. Voilà, ça y est. Et tu vois, tu respectes pas les gens comme ça quand tu respectes ça. Pas l'auditeur. Tu vois. Dans ce cas-là, on respecte un peu la vie privée des gens. Bah respecte-nous. Mais c'est toi qui en parle. Attends, c'est pas vous, d'accord. J'ai rien après vous, d'accord. C'est les auditeurs. Maintenant, c'est à vous au standard de gérer un peu les auditeurs. Gérard, t'as de la moutarde sur ta moustache. Bon, ça suffit. C'est pas grave. C'est pas ça arrive. Enfin bon, à la radio, ça arrive à l'envoyeur. Bon, Gérard, vas-y, on va conclure. On fait ça calmement. Hein. Les auditeurs ont compris. À mon avis, on va faire ça calmement. Allez, la conclusion. Allez, Gérard. Donc, conclusion et c'est terminé. Allez, conclusion. On va pousser jusqu'à 2h tranquille. Hein. Non, on fait. Ah, bah ça a raccroché, tiens. Voilà. Si tu pouvais gérer, Céline. Bye bye. Bah, non, c'est pas celle-là. Attends, on va mettre en antenne. Donc c'est bon, on fait la conclusion. Vas-y, commence à la faire parce que je crois que Céline a du mal. Marie. Voilà, c'est bon. Conclusion, il est moins le quart. Allez, vas-y. On va me faire une question. Là, vous inquiétez pas, on va gérer. Gérard, encore une Allez, question. Allez, il y a Lily qui t'écoute, là, GG, vas-y. Allez, je suis sûr, en plus, elle nous écoute. Pose le débat, recentre. Marie, conclusion. Mais pense à non, une question. Putain, mais une question, Gérard, il est moins le quart. Franchement, il est moins le quart, Gérard. On a le temps, hein. On est calme, regarde. En plus, voilà. tu sais quoi, Lily m'a dit qu'elle écouterait en plus le débat et elle espérait que t'allais assurer. Donc, franchement, là, t'assures pas, il est 2h-12 et plus tu veux déjà privé, finir. Plus rien. Vas-y. Ça y est. Mais t'es pas dégoûté d'avoir écrit des questions et de faire la conclusion maintenant? Attends, mais à chaque fois, vous me cassez les débats. Gérard, qui est-ce qui s'énerve? Qu'est-ce qui s'énerve? Dans ce cas-là, il y en a qui ont intérêt de se calmer. Qui gueule et qui est-ce qui s'énerve? Allô, bonsoir. Bonsoir. C'est le nouveau, je suis revenu, ça avait raccroché, je suis désolé. D'accord. C'est Yuri Margarine, c'est le nouveau. Voilà, c'est Yuri Margarine, j'appelle de Bucarotte, 116.6. Bonsoir, Yuri. Je suis désolé, ça a coupé, je sais pas pourquoi. Alors, c'est la dernière question, après c'est la conclusion. Voilà, nickel, voilà. Mignon. D'où peut provenir Une bonne question, hein. Eh, tu vas pas commencer, toi, Yuri, d'accord? Vas-y, enchaîne, pose ta question. C'est vas-y. Pas Yuri, hein. C'est pas Yuri, et c'est pas méchant ce que je viens de dire. C'est vrai. Alors, est-ce que, on a. C'est Nemo qui te parle, une bonne question, Gérard. Comme on a moins 6h30 du début du match, est-ce que les joueurs de foot doivent être surdoués pour gagner la Coupe du Monde? Ah, je pense que ouais. Hein. Quand même. Alors, Marie, pour toi? Marie Mure, ouais, je pense qu'il faut être. Non, mais je parle pour nous, hein. Ah bah oui, évidemment, moi je ne considère que surdoués les Français de France, donc les autres ne le sont pas, et je pense qu'on a de bons exemples, avec Zizou, avec Carambeu, avec, tu vois. Ouais, mais là je crois qu'on est... Et surtout le bœuf. C'est clair. D'ailleurs, il s'est claqué, ah, ça c'est une aubaine pour nous, ouais, c'est un parce bon qu'on va aligner... Attendez, petit commentaire. Yuri Margarine. Ouais, bah écoute, je ne peux qu'aller dans le sens de ce qu'a dit la jeune fille. Sauf que j'émettrais une toute petite réserve, c'est-à-dire que moi je ferais deux catégories, c'est-à-dire que le bœuf je le mets dans les sous-doués, pas dans les surdoués. Hein. Non, c'est parce que t'as mal regardé. Qu'il n'y ait pas de confusion. Mmh. Bah moi, c'est Nemo qui te parle. Moi, ouais. Franchement, le bœuf je le mets dans les surdoués parce que quand tu vois la pub qu'il a faite pour le bœuf, franchement c'est vrai. Une, deux, trois preuves de qualité. C'est vrai, franchement, c'est excellent quoi. Par les temps qui courent, donner l'envie de manger du bœuf, c'est pas facile. Hein. C'est normal qu'il fasse de la pub pour la viande folle. D'argent pour finir. Moi je dirais que ouais, c'est une aubaine, je rejoindrai les auditeurs pour dire que c'est une aubaine que le bœuf se soit blessé et que c'est pas une question de sous-doué et surdoué. Demain il faudra jouer le match à fond. On y croit. Allez les bleus, on est tous ensemble. Allez les bleus, on est avec vous. On est d'accord Gérard, on est avec eux. Ben maintenant, ça veut de nous le prouver hein, demain. Gérard, tu nous as pas donné ton pronostic pour demain, à ton avis il y aura combien? 2-0. 2-0 pour qui? Pour nous. Hein. C'est but de qui, but de qui, ouais. Qui à votre avis. Est-ce que le bœuf va marquer, par exemple? Non, le bœuf, il est blessé. Tu penses qu'il va marquer avec une belle match ou pas? Henri, il n'est pas là, donc... Anelka, peut-être? Non. Non, c'est Zidane qui va marquer. Zidane et Dugarry. Zidane et Dugarry, voilà. Dugarry, ouais. Dugarry. Voilà, terminé, donc conclusion du débat, voilà. Voilà, on est dans les temps, c'est nickel. Donc voilà, donc on va demander à New. On aura même pu en faire une de plus. Hein, non, c'est terminé. Allez, pas non, un peu plus loin. C'est terminé. Je crois qu'on avait une question internet, Gérard. Attends, hop là, on avait une question internet, je crois. Tartro, il faut que je la fasse. Vas-y, Gérard. Donc conclusion. Une bonne question. Hein. Oh, ça se passait bien, là, c'était non, bon, non, conclusion. Pas de chute de la loco. Conclusion. On n'a pas parlé de Christine. On n'a pas parlé de Tekist, ça se passait bien. Ouais, Gérard. C'est bien. On aurait pu continuer comme ça. Non, j'ai dit conclusion. Allez, on va faire la conclusion. On va essayer de tenir jusqu'à 2h du mat. On va combler, vous inquiétez pas. On va faire 10 minutes de conclusion. Mais si, t'inquiète pas, on a l'habitude. Oui. Non, mais c'est alors, à ce moment-là, on fait une question après la conclusion. Voilà. Il n'y aura pas de question. Allez, et un petit karaoké aussi, un petit karaoké. Il n'y aura rien du tout. Un petit doigt quand même, non ? On fait une question avant la conclusion. Allez, on va faire la conclusion, après on fera une question. Allez, vas-y. On va faire le cadeau. Allez, vas-y. Une dernière question, sinon ça va partir en couille, tu le sais toi-même. Donc, une dernière question. Après la conclusion, toi-même, tu sais que tu vas t'en manger plein les chicots, toi-même. Une dernière question, Gérard. Donc, t'as plutôt intérêt à enchaîner. Fais gaffe. Je conseille plutôt une question, Gérard, parce que sinon, à mon avis, la conclusion. On te prend en otage. Il y a des têtes et des dents qui vont tomber. Ouais. Ça va partir en couille. Eh ben, les auditeurs, je vous dis au revoir. Mais non, Gérard. Vous avez tout gagné. Mais non, Gérard. Maintenant, c'est terminé. Il n'y aura pas de conclusion, donc c'est terminé. Voilà. Mais non, Gérard, on va faire la conclusion. On fait la conclusion, Gérard. Il est temps, il est l'heure. Franchement. Moi, j'aurai ma question internet plus tard, peut-être. Bah, non, mais là, tu peux y aller. Ça dépend ce que c'est comme question. Allô, les auditeurs. Ok, vas-y, je les ai coupés parce que. On te demande, est-ce que Lily est petite? Si oui, est-ce qu'il s'agit d'une Lilliput? Merci pour la question, je réponds même pas. D'accord. Bon, on va faire la conclusion. Là, vous cherchez à vraiment foutre la merde. Alors donc, c'est terminé. Maintenant, c'est ok. On fait la conclusion. Une dernière question. Ok, on va pas faire la question, on va faire la conclusion. Ceux qui veulent faire la conclusion, allez-y. Sinon, les autres pouvaient aller dormir. Allez, on y va. Je boycotte direct. Non, mais on reste jusqu'à 2h du mat et il nous fait sa conclusion à moins 10. C'est terminé. Non, ça continue. Tu te fous pas de la gueule du monde un peu. On fait les prolongations, là. Eh hey Gérard, vas-y. Gérard, commence à faire la conclusion, après ils vont la faire, vas-y. Voilà. Jory Margarine. Mais non. Ouais. Bah écoute, t'appelleras pas le bœuf par hasard, toi. Voilà, ce fut un bon débat. Moi, je pense que t'as bien élargi, là, sur le foot. Tu nous as ouvert une petite porte pour faire 2-3 questions de rab après cette conclusion. Et puis voilà, surdoué, bah écoute, je pense que t'as une grande carrière devant toi. Maintenant, t'as pas été détecté, plus tôt. C'est dommage. T'aurais pu faire encore mieux, je pense. Ok. Pierre voilà. Bonsoir à toi. Bah, c'est dommage. Bonne semaine. Oui. Ok. Pierre-Jean. C'est dommage que tu te sois emballé comme ça. Tu t'énerves tout seul, donc c'est un petit peu relou, quoi. Bah, comme d'hab. Bon, hein. C'était quand même un bon débat. On a parlé avec retenue. On n'a pas trop parlé des Mongoliens, tout ça, parce que ça se fait pas. Par contre, il y avait des choses à dire, mais on fera ça une prochaine fois. Je pense que tu referas un débat sur les Mongols. Sur la famille. Pour parler de ta famille, ouais, un petit peu là. Non. Pierre-Jean, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est Pierre-Jean, j'appelle donc du Kosovo. Je voulais faire ma conclusion pour dire que j'espère qu'il y aura un autre débat sur les Mongolitos et que tu pourrais parler un petit peu des rapports. Céline, entre, s'il te plaît, j'ai dit à Pierre-Jean, au revoir. Entre ton père et ta mère qui a résisté à ça. Gérard. Un animateur sur Fun Radio complètement. Mais non, Gérard. Oh là là, oh là là. Mais pourquoi vous avez. Qu'est-ce que vous avez fait n'importe quoi. Terminé au sondage, arrêtez. Il est parti. Reviens, Gérard. Reviens, Gérard. Gérard s'en va. Gérard est parti. Place qu'on a parlé de ma mère et mon père, non. C'est un truc que j'ai horreur. Qu'est-ce que vous avez fait. Vous avez dit. Mais là, vous avez pas parlé. C'est que j'ai horreur d'entendre des auditeurs. C'est pas eux. Mais ils sont pas. C'est Pierre-Jean, donc c'est terminé. C'est quelqu'un dans l'autre studio. Il s'en va rejoindre les alcooliques anonymes. T'as déconné, Pierre-Jean, on est viré. Franchement. T'as déconné, du mais coup. Mais c'est pas moi. Oh, non, mais vous êtes pas viré, c'est nous, c'est Hervé et moi, alors. Franchement, ça sera aussi sur votre paye, vous allez pas faire les filles. Non, mais qu'est-ce qu'il a dit? Remerciez-nous. Je sais pas, on n'a pas entendu qu'est-ce qui a été dit. Non, en fait, il faut pas parler de sa maman et son papa, voilà. Il supporte pas. Son père et sa mère qui étaient cousins, apparemment, et Arrête, on parle plus de ça, sérieux, on parle plus de ça, parce que sinon, ça va très mal finir, en plus. Moi, je suis en train de faire je savais même pas qu'il avait un père et une mère, moi, alors. Arrêtez. C'est fini, ça, c'est terminé. Là, vous êtes pas. Gérard, une explication. Une explication à la page. Une explication. Gérard, viens avec moi. Gérard, une explication. Viens à côté de moi, Gérard. Gérard, dans le confesse. Gérard, il faut que tu t'expliques. Gérard, viens ici. Viens voir le petit, là. Reviens, Gérard. Gérard. Ok, laissez-le. Tant pis, on va faire sans lui, on va faire autre chose. Hop là. On avait plein de questions sur Sandy, enfin des trucs et tout. Vas-y, on va te répondre. Ouais, d'ailleurs, moi, j'aimerais bien connaître le QI de Sandy. Vas-y, balance. Ça dépasse pas celui de la moule. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va pas le rappeler, tant pis qu'il fasse la tête, tant pis. On continue sans lui. Ouais, on va faire sans lui. Bon, la conclusion. Piquez-lui sa feuille. Qu'est-ce qui a pas fait la conclusion? Il est parti, mais il nous écoute. Bon, arrêtez c'est de la radio ce soir. Vous parlez pas dessus, c'est pas la peine. Qu'est-ce qui a pas fait la conclusion? Faites-la. Après tout, on va aller jusqu'au bout. Hein. Mais pose des questions, Pedro. Vas-y fais des questions. Ah, bah alors, Tali, il a laissé son cahier. Ouais, il a laissé son cahier. C'est semblant de mal lire. Allez, prends le cahier, là. Et si tu peux nous chauffer un poème. Alors, on enchaîne sur un débat. Est-ce que les extraterrestres sont-ils des surdoués ou des sous-doués? Une autre. Ah, bah alors, attendez. Peut-être. Pedro, on va parler de ta vie privée. On va parler de la famille. Peut-on être sous-doué ou surdoué dès la naissance? Du cul. Ah, non, pas celle-là. Essence avec 5 ah, S. Ah, bah ça y est, il m'a pris des questions. Gérard, ton sandwich. Gérard, ton sandwich. Gérard, ton odeur. Ah, bah sors, vas-y, au revoir. Est-ce que tu peux embarquer ton odeur aussi? On va couper, on va arrêter. Je pense qu'on va arrêter. On va bientôt arrêter le débat, à mon avis. On va même carrément arrêter. Hein. Tu peux couper son micro, ouais, à mon avis. Reviens, on n'a pas encore parlé de ta fille, reviens. Arrête. Je les ai coupés. Le débat, à mon avis, s'arrête ici. Qu'est-ce qu'on va avoir dans quelques instants? On va avoir Evan qui va débarquer pour tous les messages 0825 08 5000 ou sur evan@fanradio.fr. La chanson, on la fera à mon avis la prochaine fois parce qu'on a vu là, on n'est pas très très très chaud. Esteban, merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Hervé, Céline. À tout de suite. À tout de suite. Ouais, on va retrouver chez Evan tout à l'heure. Vous pouvez continuer à appeler 0825 08 5000 ou sur evan@fanradio.fr. Evan, je sais pas s'il est dans le coin. Il est là? Non? Ok, bon, bah tout de suite, c'est Four Clubbers avec Children. Ciao.